J'avais des trucs à dire mais pas de thème. J'ai toujours écouté mes partenaires. Du bon son c'est rare, comme trouver 50 j'ai par terre. Moi j'fais péra, mais mes prouvés j'passe le message chez Panther. J'avais des trucs à dire mais pas de thème. J'ai toujours écouté mes partenaires. Du bon son c'est rare, comme trouver 50 j'ai par terre. Moi j'fais péra, mais mes prouvés j'passe le message chez Panther. La classique. La classique. Kids of Crackling. Enfoiré. Ouais j'ai la rime habile, mais la mort est son abîme. Guette niveau finance et les abîmes. Non j'ai pas le fric à Bill Gates. Rien ne remplacera tout ce parti. Même pas la fortune d'un vizir de ce siècle. On est les martyrs et certaines plaies sont invisibles. Indiscipliné et raciste, c'est ce qu'est la France aux yeux du monde. Bienvenue dans ce pays élitiste. Ou même si t'es odieux du monde, autant creuser ma tombe. C'est rarement les coupables que le flic rush. Préfère les thugs que les matons. J'suis plus tout pas que Rick Ross. Le bitch cross, j'ai que des faces sensées. C'est devenu machinal, j'dois avancer. J'fais du rap français, j'fais pas de la magie noire. C'est simple, j'veux pas devenir comme CMC. Buzzer mes lacets. Faire ce qu'ils font pour moi c'est facile, comme si je faisais mes lacets. C'est l'heure de mon tour, tu sais que je suis un bosseur, t'attendais que ça. Mais quand capille je frappe l'anti-pop comme un boxeur, tape dans des sacs. Un mélange bizarre, mon vécu me ras-le-bol, une caisse claire, un thème. Si les mots sont des armes, chaque album est une guerre interne. Même terre à terre, on est partout, concert, YouTube, 10h10. Putain j'ai déjà fini mon terre, et c'est même pas 10h10. Intérieurement c'est le désordre, je te jure, j'ai des tas de carences. C'est désolant, mais les hommes ne jugent que les apparences. Plus rien à battre, la prod j'abat, c'est pas du chabarant. Du coup j'arrive à pas l'enfoiré, je rentre en cabine, ça part. Et je dois avancer, je suis sur la route, pas celle de Memphis. Mais la tenia et ses méfaits, à tout ça scène le même fils. Les gens ne l'ont même pas lu, mais aussi j'ai vu ça dans votre livre. Frère, c'est la lue, demande-toi plutôt pourquoi l'alcool est en vente libre. Pourquoi chiter prostitué, se refourgue à tous les carrefours. Avec le salaire d'un joueur de foot, on pourrait sauver le Darfour. Des magouilles politiques, ou seul des doyens pourraient tremper. Bombarder des civils, c'est pas le meilleur moyen pour être en paix. Faut que les Français comprennent que nos chefs d'État sont bel et bien vistards. Comprennent que ces chiens de Daesh ne représentent en rien l'islam. Non, je viens pas faire la morale, je suis pas mieux que toi, je suis sûrement. Un tas d'épreuves à surmonter, t'inquiète, j'ai toujours surbondir. Y'a que des bons gars sur mon disque. C'est bien dans ces locaux que tout part s'il sort, c'est que j'assume mon titre. Qu'il y ait du vocodeur ou pas, j'suis hyper actif, j'plaide coupable. Pas du genre à pas rater assis. J'envoie des passes aux autos bars pour être sûr de pas rater ma cible. J'plaide coupable, pas du genre à pas rater assis. J'envoie des passes aux autos bars pour être sûr de pas rater ma cible. J'avais des trucs à dire, mais pas de thème. J'ai toujours écouté mes partenaires. Du bon son c'est rare, comme trouver 50 j'ai par terre. Moi j'fais péra, mais mes prouvés j'passe le message chez Panther. J'avais des trucs à dire mais pas de thème. J'ai toujours écouté mes partenaires. Du bon son c'est rare, comme trouver 50 j'ai par terre. Moi j'fais péra, mais mes prouvés j'passe le message chez Panther. J'ai le rap dans le sang depuis mon premier Panasonic. Si les mots sont des armes, j'suis plus top pas que Rick Ross. J'ai le rap dans le sang. J'ai les mots sont des armes, chaque album est une guerre interne. J'ai le rap dans le sang depuis mon premier Panasonic. J'ai les mots sont des armes, j'suis plus top pas que Rick Ross. J'ai le rap dans le sang depuis mon premier Panasonic. J'rime en gardant le sens et j'donnerai pas mon âme à Sony.